Boom Boom. Musique française, curieuse. Le quatrième mercredi du mois. De 21h à 23h. Sur Prune 92 FM. Le dernier. Attends, regarde l'heure, il est 21h et 1 minute. Il est 9h02, c'est le matin. On a 58 minutes d'avance, Jonas, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 8 ans qu'on fait Boom Bomo à 22h le mercredi. On est des monstres d'habitude en plus, du coup. On n'a jamais bougé de ce créneau depuis 2014. Non, non. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On s'est réveillé beaucoup plus tôt là, du coup. Hein. Là, on a été obligé d'achever l'apéro. Bon, on n'arrive pas bourré, du coup, moins que d'habitude. Voilà, exactement. On va rattraper ça peut-être. Boom Bomo, 9ème saison. Ça fait tellement plaisir de reprendre le direct avec un nouveau format de 21h à 23h une fois par mois. Pourquoi un nouveau format? Tout simplement parce qu'on devient vieux et qu'on a la flemme de faire une émission hebdomadaire. On en a fait 230 ou 231, je crois, jusqu'à présent. Yes. Et depuis le Covid, ça battait quand même un peu de l'aile notre histoire. On faisait de plus en plus souvent des émissions enregistrées. Et faire une émission à Prune en l'enregistrant depuis son canapé, franchement, ça fait chier. On rate un petit peu les canapés, on rate les copains qui sont là, on rate plein de choses. Donc on s'est dit qu'on voulait absolument maintenir, ça nous semblait hyper important, maintenir ce truc du direct. Et pour faire du direct, il fallait plus qu'on ait une hebdomadaire, il fallait qu'on ait une mensuelle. Donc voilà, 2 heures mensuelles de 21h à 23h. Big up à toute l'équipe de Prune qui nous a dégoté un pur créneau, parce qu'en général, les mensuelles, c'est plutôt genre 22 minuit ou parfois 23h, 1h. Ouais, on a mixé live du coup. Exactement, on peut quand même se coucher à peu près tôt et on sera quand même là le dernier mercredi du mois, je crois. Je me suis pas encore complètement habitué au nouveau créneau. Exactement, c'est pas le quatrième dimanche, le mercredi du mois, c'est le dernier, mais bon, généralement ça tombera le quatrième. Sur Prune 92 FM pour cette donc 9ème saison de musique française curieuse. Le créneau a changé, mais l'équipe reste la même. Jonas, fidèle Jonas avec moi, la technique. Au rapport. En pleine forme, il a fait du beatbox sur la route, il a bu un rhum avant de venir, il est au top. Ouais, toujours au top, ouais. Et moi-même, Vincent, et Aimé, j'ai changé de blase entre-temps quand même. Oui, et ouais. T'as enlevé ta particule. Aimé Jockey, c'est terminé, ouais, voilà, j'assumais plus trop le jeu de mots, Aimé Jockey, Aimé Jockey, je voulais un truc plus simple. Et puis Aimé, c'est à l'amour, putain. Exactement, c'est l'amour. 9ème saison de Boom Bomo, donc même concept, même équipe. Le concept, vous le connaissez par cœur si vous nous écoutez depuis 2014, mettre en valeur la musique française et francophone curieuse, les artistes moins connus, les trucs oubliés, les vinyle qu'on chope en brocante, en dépôt vente, en vide-grenier, et puis les gros bangers de soirée aussi. Les soirées, on en organise toujours, on en a fait une au rond-point vendredi dernier, on a invité Double D de La Roche-sur-Yon. Oui, qu'on salue au passage. Big up Double D, c'était chamé. L'équipe, c'était Double D et moi au platine, et c'est l'équipe qu'on retrouve ce soir pour cette Boom Bomo. Je m'offre le plaisir, comme d'habitude, de la première heure de l'émission, de la saison. Et puis Double D viendra après. On a tout simplement enregistré la première heure de son mix au rond-point vendredi soir. Merci au rond-point, merci à Alan pour la confiance. Merci à tous les gens qui sont venus danser. Merci à tous les copains et toutes les copines qui m'ont bien aidé, qui nous ont bien aidé à gérer les entrées. C'était une bête de teuf. On se retrouvera le 9 décembre. Oh oui. On aura l'occasion d'en reparler. On refera une émission d'ici là. La première heure d'émission, comme d'hab, c'est la tradition. Ça, hein. C'est peut-être pas depuis la première ou deuxième saison, mais franchement, ça doit faire bien 5 ou 6 ans que je fais ça, je pense, sur Prune. Ouais. Je m'accorde la première émission Boom Bomo avec les trouvailles de l'été, tout simplement. Et l'une des belles trouvailles de l'été, c'est ce qu'on est en train d'écouter en bed. Yes. Je déteste les beds d'habitude, je déteste quand il y a la musique quand je parle. Et là, je le fais pour la première. Quelle maturité incroyable. C'est beau. La Perversita, ce projet de 1979 avec notamment Hector Zazou, plein d'autres. Ça a été réédité cet été sur Sofa Records. Je kiffe trop le disque. Donc, c'est un digue de l'été, mais c'est pas un digue. Occasion, c'est pas un digue de brocante. Celui-là, je l'ai chopé chez Comme à la radio pour pas faire de big up à Clem de Comme à la radio. Donc voilà, on écoute La Perversita, c'est le premier morceau de la 9ème saison de Boom Bomo, notre 232ème podcast, je crois. Ah, c'est toi qui as le compte, j'ai bougé. Ça faut vérifier ça. Ça fait quelques mois. Et puis derrière, je suis au platine pendant 50-55 minutes. On va écouter des trucs un peu down tempo au début, puis d'un moment d'un moment à l'autre, ça peut basculer en Euro House parce que j'ai envie de jouer des trucs Euro House. Que des trucs que j'ai trouvé cet été, que des trucs que j'ai eu l'occasion de jouer en teuf, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de jouer à l'antenne de Prune depuis notre dernière mission. C'était en avril, on a fait une longue pause. Hein. Mm-hmm. On vieillit vraiment. C'est ça, on a lâché les cannes hein, quand même ce soir. On est venu sur le déambulateur. Big up à Cristallo et à Greg Del Campo. Ouais, big up à tous les gens qui nous écoutent. Oh là là, je vois Armel qui est là dans les studios. Je vais arrêter de parler, on va lui dire bonjour à Armel et à toute son équipe. Vous écoutez Prune, vous écoutez Boom Boom. C'est notre 9e saison et on est putain de content de reprendre le direct. Je suis derrière les platines jusqu'à 22h, puis je céderai la place, mais on repapotera un petit peu d'ici là à double D avec la première heure de son mix de vendredi dernier au rond-point. Jonas, fais péter la perversita, s'il te plaît. Thank you. C'est Louis, Fabricant, détecte privé. Toutes les femmes qu'il suit, elle est cool après. Il est cool dans nous, tout le monde le connaît. Il peint tous les murs de New York City. Ça fait même ta place, c'est une période noire. Le téléphone coupé de mon loyer en retard. Tout le monde dans la poche, plus de crédit dans les bars. C'est construit en tant que le boulot, ça fait rond. Il place son temps au café à jour de vidéo. Il fait plus répandre avec un jeu, il sera malheureux. Yo, j'en ai. On a nos sonos. Kim Baku, Noko, Kim Daiki, Shinki, Godzilla, Godzilla, Godzilla, Dai, Satsujin. Oh oh oh oh oh. Je suis une jolie fille, je m'habille en éclat. Je vis dans le laser et j'aime les comédies. Je passe mon temps à rêver des héros de l'hôtelier. C'est Papa Freddy Long qui m'a fait craquer. Il s'appelle Blade Runner et il est sans compter les computers en peur dans toute New York City. Stuku Hachino Daiko Aku Nippon Sengo Shiyamadamu Bomboro no Sekatu Nepo Nikuda Ningen no Joken Ningen no Kabe Ichiro Ichite Ita Yoketa. C'est Louis, Fava Freddy, détective privé. Toutes les femmes qu'il suit, elle lui court après. Il court après le cash, n'aime pas les bonnes manières. Faut vivre avec son temps. Louis, j'ai pas le pied. Quand je suis entré, il sent extraîné. Il connaît la musique avec les bébés. Et lui font les yeux doux et ne le paie jamais. Il ne veut pas perdre son temps à travailler sans blé. Avant que j'ouvre la bouche, il me jette sans prix. Du sang dans la semaine, les frites sont pas compris. Je sens mes billets verts et des bons dans l'affaire. Je viens de le trottoir, c'est une sale histoire. Ansatsu, Ansatsu, Warui Yatsu, Uno Yoko Nemuro, Yawa Nakajima, Benji, Kishi, Kuruta Kajitsu, Kuruta Ipeji. Yoshike Enrai Yoidore Teji Sushimun Shuno Teki. C'est Louis, Fabio Fabi, détective privé. Toutes les femmes qu'il suit, elle lui court après. Il est cool dans la rue, tout le monde le connaît. Il peint tous les murs de New York City. Il s'envoie un petit whisky et il sort dans un taxi. En France jusqu'au taxi, il y a une rapporte. Le rapport font le fait, Papa Freddy enquête. Avec ses Adidas, sa casquette sur la tête. La ferme est fantastique, c'est une sale histoire. J'étais amoureux si je me fais avoir. De l'oser que j'ai quitté, me reste les pourboires. Mon copain est vilain, m'a tiré l'omégo. Et Louis, Papa Freddy, il cherche ce type de l'eau. Il est venu au Roxy pour jouer au Superman. Il est détecté privé et fouine dans tous les coins. Il y en a tout pas longtemps que je crois qu'il le tient. Le mec est dans le patron, cette affaire marche bien. Oh, je suis content, Fafa Freddy va vite. Il a trouvé ma monnaie, le dit, j'ai changé de beat. Change de beat. Genre, change de beat. C'est Louis, Fafa Freddy, détecte privé. Toutes les femmes qu'il suit, elle lui court après. Il est cool dans le rue, tout le monde le connaît. Il passe tous les murs de New York. what's that? Les coquines. Oui, oui. Bonheur, n'est-ce pas? Tu n'en as gardé que ces lèvres rouges pour moi, si bien caché dans la forêt. Tu

yeux qui font baisser les miens. Thank you. je ne veux plus que tu sois mon roi. Ça se voit. Ça me dérange d'être comme ça. Toi, ça t'arrange. Comme tu me vois. Mais tu vois que moi, tu veux que je sois à toi. Rien qu'à toi. Oh non, je ne veux plus être ta reine. Plus jamais. Oh non, je ne veux plus que tu sois mon roi. Ça te va? Ça te va? Je ne veux plus être ta reine. Tu entends? Mais non. Je ne veux plus être ta reine. Je ne veux plus que tu sois mon roi. Je ne veux plus que tu sois mon roi. Toujours me dire ce que je dois faire. À toujours me dire de prendre un air. À toujours me dire

Le transfert est accompli. Total de la machine. Avez-vous souffert au contact de cet appareil? Le transfert est accompli. Est accompli. Le transfert est accompli. Est accompli. Le transfert est accompli. Le transfert est accompli. Je m'émerveille, ignorant tous les vies. fille du soleil, de ses baisers, m'enivre comme le cannabis. C'est un fruit chaud et sucré, bien vite hors de mes bras, elle glisse. Sa peau couleur en pain d'épices. Je suis la fille du soleil. Je suis la fille du Yeah, boum bomo. On peut laisser couler tranquillement le morceau en bed, Jonas. Peut-être, je pense qu'il reste quelques secondes de ce Mikado. Il reste un sillon. Ah, t'avais pas encore fait la blague à l'antenne, tu l'as fait hors antenne. Voilà. Mais c'est la première de la 9e saison, promets-moi que tu la feras tous les mois. Normalement, on a 9 ou 10 émissions c'est devant nous. Fortement probable, parce que j'oublie mes vannes. Voilà, donc je les répète. Et surtout, ça fait depuis 2014 que tu l'as fait cette blague. La fille du soleil, Mikado. Le disco mix, c'est pas sur internet ça? Bah alors, faut que je la mette sur ma chaîne YouTube. Bah, oui. J'ai joué quelques tracks qui figurent déjà sur ma chaîne YouTube ou qui vont y figurer si je me motive un peu dans les semaines ou dans les mois à venir. Et ben voilà, une sélection pour lancer la saison, que des morceaux que j'ai chopés cet été ou disons au printemps, comme la dernière émission Boom Bomo datait du mois d'avril. Big up à tous les gens qui m'inspirent grâce à leur mix, grâce à leur chaîne YouTube, grâce à leur boutique de disques, et puis tous les gens aussi qui vendent des disques en vide-grenier, en dépôt vente. Continuez de lâcher vos scuds à pas très cher. Il y a des gens qui passent comme moi qui récupèrent 2-3 trucs. On a écouté La Perversita, donc le premier track, c'était la réédition de Sofa Records dont j'ai parlé. On a écouté, oh là là, les lèvres cerises, là, quand j'ai commencé à vriller en Euro House. Ouais. C'était magnifique, ça. Chopé chez le Disquaire du Dimanche, tiens, sa nouvelle boutique rue Joffre, elle est plutôt chouette. Ah. Cannelle, La Vie en Rose, c'est le morceau, je pense, que j'ai le plus joué cet été. Ex aequo avec le Pot Chill, Tu es là, un peu Euro House limite, Euro Dance. Ouais. Et puis, le transfert est accompli. C'était quoi ces paroles? Ça, je pense que ça venait de Star Trek. Faudrait que je vérifie, mais vu comment c'était kitsch, à mon avis, c'est Star Trek. Bon, c'est toi le spécialiste de science-fiction. Science-fiction, ouais. On ne diffusera pas le laser disque de cette émission, on va Est-ce dire. Qu'il y a un laser disque de Star Trek ou pas? Bah, y en a plusieurs, parce que c'est une série. Hein, donc, y a, à mon avis, il y a pas mal de choses qui sont sorties en laser disque. Incroyable. Et puis, je fais un dernier big up pour un quart tour que j'ai joué. C'est L'Anamour de Gaël. L'Anamour, donc, un morceau de Serge Gainsbourg. Un des morceaux de Serge Gainsbourg que je kiffe le plus. Une cover italo-disco hyper lente, la 93 BPM de Gaël. C'est notre pote Aka qui a joué ça au mariage de Nato Sito. Le gars tranquille, il arrive à un mariage et il joue des grosses bombes italo-disco à 90 BPM. Big up Aka, big up Nato Sito. C'est aussi à ce même mariage où j'ai vu Double D, qu'on avait déjà invité en 2017 à une soirée à Pioche, juste oui. À côté de Prune. Il avait tout déglingué. Et c'est aussi donc à ce mariage que j'ai vu Double D déglinguer le dance floor d'un mariage, le mec. C'est un mariage, c'est mec. On est tous bien habillés. Aucune pitié. Et il a joué 2 heures de Rodance. C'était du grand n'importe quoi. Et je me suis dit, bon, allez, c'est lui mon premier invité de la saison. Et boum, j'ai eu le nez creux parce que son mix était chamé vendredi. Ouais. Les gens ont répondu présent. C'était pas la folie à 22h, ça arrive tard un peu au rond-point à chaque ouais. fois, on a un petit peu peur, on se dit oh non, les copains ils sont pas là. Et finalement le dance floor était plus qu'au rendez-vous. Voilà. Mortel de 23h minuit à peu près jusqu'à 3h30, pure dance floor. On a encore fini sur Régine, je survivrai. Si vous n'étiez pas là, spoil, on a une fois de plus, enfin j'ai une fois de plus terminé par Régine, je survivrai. Venez à la prochaine, hein. Franchement c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie. Le, ouais. le Régine avec des gens sur les épaules d'autres gens, avec de la sueur, des breaks. C'était vraiment une pure soirée boom bomo avec donc Double D qui nous a fait un mix un peu moins Eurodance que d'habitude, puisque là, la consigne, c'était évidemment de jouer que les trucs français et francophones. On va écouter dans quelques secondes la première heure de son mix. Oui. C'était plutôt rock psyché au début. Il a profité de ce club un peu désert pour envoyer quelques 45 tours bien rock, bien psyché. Puis après, c'est vite parti en italo-disco. C'était fou. Un peu cheesy, ouais, c'était bien, bien mortel. Et puis, on ne reprendra pas la parole, Jonas. Donc, c'est déjà le moment de dire au revoir. Normalement, c'est l'heure à laquelle on arrive, je suis perdu. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on va pouvoir lancer le mix et puis se mettre dans les canapés. Et j'espère que vous aussi, vous êtes dans votre canapé. On va boire une petite bière. Et puis, en fait, comme d'habitude, on va écouter l'émission de 22 à 23. Voilà. C'est encore jusqu'à 23h. La première émission de la 9e saison de Boom Bomo, musique française et francophone curieuse sur Prune et dans les clubs de Nantes, dans le club de Nantes, le Rond-Point. La prochaine teuf, ce sera le 9 décembre. Je lâche l'info, ce sera avec un DJ de Lille qui s'appelle Donov. Et les gens qui l'ont vu jouer, il y en a trois en tout, qui m'ont dit que c'était un tueur. Donov, si tu m'écoutes, venez avec vos gilets pare-balles. Tu as été chaudement recommandé, notamment par Jim Ayri, qui était notre dernier invité du coup en avril. Le dernier à faire un podcast et le dernier à venir faire la teuf aussi avec nous juste avant Double D. Bref, blablabla, bla, bla, bla, bla, bla, faut m'arrêter. Et moi, j'ai pas mangé le micro depuis le mois d'avril. Je vais vous couper le micro, monsieur. J'ai pas mangé le micro depuis le mois d'avril, donc j'ai trop faim. J'ai 1000 disques à passer en plus de temps. Vas-y, je m'arrête. Double D, c'était sa première heure de mix, donc qu'on va écouter. On se retrouve, nous, le mois prochain sur Prune, dernier mercredi du mois. Oui. On va essayer de respecter ce format-là. Un invité local à chaque fois en direct, si possible, quand même, pour inviter circuit des court. Copains. Voilà, circuit court. Et puis, en deuxième partie d'émission, ce sera peut-être plutôt des invités nationaux. Disons, on a rarement des internationaux, mais peut-être des gens de Paris court ou circuit. D'ailleurs qui nous enverront leur mix. Double D, gros big up à toi. Gros big up à tous les gens du Rond-Point. Gros big up au Rond-Point, on écoute la première heure de son mix. C'était la première émission de la 9e saison de Boom Bomo. Jonas, je suis trop content. Et pareil. Rendez-vous le mois prochain, cochez la case, 9 décembre. Ça roule. Bisous. Bonne écoute, les petits loups. Ciao. Tout est prêt pour la grande parade de la musique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans le monde du spectacle. Les vibrations explosives de votre DJ ont la couleur dance music, rock and roll, typique et funky. F-U-N-K-Y. Branchés à l'écoute des nouveautés musicales du monde entier. Préparez-vous à découvrir des sensations venues d'ailleurs. Dans quelques secondes, vous allez rejoindre l'autre dimension. De longues et superbes minutes de bonheur musical vous attendent. Attention, ça commence. J'ai l'obsession des arbres morts. Des arbres morts, des arbres morts, des arbres morts, des arbres morts. De vieux rythmes binaires me remontent dans le ventre. Je sors seul vers des plaines étranges. Dans un décor où je m'endors, dans un décor où je m'endors, dans un décor où je m'endors, dans un décor où je m'endors, dans un décor où je m'endors. Je sors. Je Je suis un remords de chabrette branché sous l'électronique. Et sans merde les puristes, et c'est tant mieux. Je me fous des musiques poussières, des pulsations de musée. Je ne pousserai jamais à l'ombre d'une chapelle. Je n'ai plus de racines, je suis déjà un arbre mort. Un arbre mort, un arbre mort, un arbre mort, un arbre mort, un arbre mort, un arbre mort, qui dort, qui dort, un arbre mort, qui dort, qui dort, un arbre mort, qui dort, qui dort. Je sors la nuit avec mes loups musiciens. Avec mes loups poètes, demi-souffle de désespoir, sur un tempo d'enfer. Avec dans la tête les tam-tams de l'Afrique. Et des carnavals de samba, hey, hey. Des choristes de McLaughlin. Route sans péage, vers des pays de musique. Tu peux venir si tu veux, tu peux venir si tu laisses au vestiaire ton costume d'idéologue amidonné d'intolérance et d'intransigeance. Si tu fourgues à l'encan tes bouquins millésimés et ton code du savoir-penser, tu peux venir, alors viens là-bas, y'a un frangin qui t'attend et qui te sourit. Là-bas, là-bas, y'a un arbre mort. Sont terminés. Oui, sur la deuxième. Voici dernière actualité, actualité. Bien que pendant des heures le monde entre chez moi, que m'importe la vie des gens, le seul écran de ma vie est un drap où je t'attends, où je t'attends, où je t'attends. Le Boeing 727 de la compagnie américaine ici a été détourné en vol par un pirate armé et maintenant sur l'aéroport de Washington. Ce pirate réclame $300,000 de rançon, 6 parachutes, Saint-Paul de Léon. Rendez-vous de tous les hippies. Ils ont tous mis des chapeaux ronds. Des dentelles comme travestis. Thank you. chante l'amour en sabots. Se montre nu pour le jabada. Ils effeuillent des artichauts. Bouquet de fleurs sur un tombeau. De cette ère nouvelle, très loin des menhirs, pour l'invasion de ce phénomène. Dernier. Janeiro. Je suis down à New Mexico. Thank you.

entre mes draps, réveil radio. Il est toujours trop tôt. Un matin froid, entre mes draps, réveil radio. Il est toujours trop tôt. Plus rien à perdre. ramasser du nombre. Vitale, terminé, massacre à l'électrode.